Bosco, Douiman. Bonjour, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. C'est le moment du journal parlé en français. Ce jeudi, nous vous proposons une édition spéciale sur le vécu quotidien des Burundais dans le contexte actuel de pénurie de carburant. Nous planterons le décor avec des reportages descriptifs sur terrain avec nos reporters disséminés à divers endroits dans la capitale économique Bujumbura et dans d'autres provinces. Et c'est pour savoir comment les gens organisent leurs activités quotidiennes dans ces conditions. Des politiques, des économistes sont unanimes pour dire qu'un stock stratégique carburant reste la seule réponse durable au manque de carburant et sa constitution nécessite des devises. Et c'est ce qu'a d'ailleurs martelé la ministre du Commerce hier devant les sénateurs. Vous entendrez toutes ces personnes après qui nous vous dirons, pour clore ce journal, ce que la rédaction Isanganiro pense là-dessus. Et oui, nous avons également eu notre mot à dire. Bonne condition d'écoute de ce journal mis en note par Albert Ndouayo. Réalisation Alain Désiré Boukayeneza. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Comme annoncé tantôt, commençons par le tour de nos envoyés spéciaux par le sud. Là-bas, le transport des personnes ne se déroule pas normalement. Peu de bus ayant pu avoir du carburant ce mercredi sont visibles sur la voirie. La plupart de ces bus sont garés dans plusieurs stations en attente de carburant sans que leur propriétaire ait une idée de quand le carburant sera disponible. Nous sommes en ligne avec Evariste Nzikobanyanga qui est au sud de la capitale économique Bujumbura. Comment se porte en cet instant le déplacement des passagers Evariste? Oui, Jean Bosco, la situation est telle qu'elle était depuis 3 semaines. Les gens du sud de la capitale économique de Bujumbura ont du mal à se déplacer. Je dirais que ce jeudi, il y a un léger mieux. Des bus à compte-gouttes sont en train de circuler. Mais c'est toujours difficile de monter dans ces bus. Le combat est toujours visible. Le peu de bus qui sont en train de déplacer les gens du sud de la capitale restent insignifiants. Et vous avez visité les stations-service, qu'en est-il là-bas? Oui, au cas contraire, la plupart des bus et taxis sont garés dans les stations-service, mais les propriétaires ne savent à quand le carburant, ces produits pétroliers vont être disponibles. Ils indiquent qu'ils vivent le calvaire. Et que disent les passagers? Les passagers, propriétaires de ces véhicules et conducteurs de ces véhicules, ils lancent le même appel de celui qu'ils ont lancé à plusieurs reprises au gouvernement. Ils appellent le gouvernement burundais de trouver solution à ce problème de manque des produits pétroliers pour que la vie continue. Merci Evariste. En direct du sud de la capitale, Bujumbura, vous venez de l'entendre, des habitants de la ville de Bujumbura qui se déplacent difficilement en cette période de pénurie de carburant. Et ceux qui se sont entretenus avec nos reporters font savoir qu'ils passent beaucoup de temps sur les parkings de bus à attendre le moyen de transport. Conséquence, des retards au travail très prononcés et naturellement mal vus par leurs employeurs. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution durable à ce problème récurrent. Jean-Marie Vianney. Certains habitants de la ville de Bujumbura se lamentent qu'ils se déplacent difficilement dans cette période où la pénurie du carburant s'observe. Les deux rencontrés au parking se trouvent près de l'école normale supérieure estiment que cette situation entraîne des retards au travail. Le manque de déplacement causé plus particulièrement par la pénurie du pétrole, il y a d'abord du désordre dans différents services. Maintenant, le déplacement, c'est comme si on a abandonné. On trouve une série de bus dans des stations à cause de la manque de carburant. Il ajoute en outre que ce retard est à l'origine des conflits entre les employés et les employeurs. Les employés peuvent se chamailler parce que arriver au travail à temps, ça devient un problème. Imaginez-vous ceux qui viennent de la périphérie de la ville pour arriver au travail, pour arriver en ville, ça sera un problème parce qu'il y aura manque de quoi de déplacement. Des étudiants, se déplacer, ça sera aussi un problème. Arriver à l'école, ça sera un autre problème, mais aussi il y aura dysfonctionnement de différentes activités, par exemple des entreprises qui ont besoin du pétrole pour qu'ils puissent fonctionner, ça sera aussi un problème. Il déplore en plus que cette situation se reproduit le soir quand ils quittent le milieu de travail, ils parlent plus de 3 heures de temps qu'on passe sur les files d'attente avant de rentrer à la maison. Ces habitants demandent au gouvernement de résoudre ce problème. Ils demandent également de renforcer la sécurité sur les parkings du fait que les actes de banditisme se multiplient lorsque les passagers se bousculent pour prendre les bus. Merci Jean-Marie Vianney Hingendakoumana. Retour sur terrain au parking du côté Boulaba. Le prix du transport est passé du simple au double suite à la pénurie des produits pétroliers. Comme a pu le constater notre reporter, l'exemple est le prix des transports vers la province Cibitoke qui est négocié à 12 000 et plus au lieu de 6 000 ou 7 000. Les transporteurs et commerçants regrettent que même le nombre de véhicules qui approvisionnaient ce marché en marchandises à partir de l'intérieur a sensiblement diminué. Placide, vous êtes en direct. Comment vous avez trouvé les prix des produits de première nécessité? Oui, Bosco, visiblement, c'est par un simple aperçu des véhicules, à l'exception des véhicules des agences de transport, on dirait vraiment qu'il n'y a plus de pénurie de carburant, car le véhicule, il reste un nombre important. Et selon les transporteurs de ces, les conducteurs de ces véhicules, c'est la majorité de ces véhicules sont à sec et attendent d'une toute information sur la disponibilité du carburant sur l'une ou l'autre station des environs. Et des passagers passent d'un véhicule à une autre pour tenter de négocier les prix de transport qui ont sensiblement augmenté. Par exemple, à bord d'un véhicule de type IAS pour se rendre à Gitega, le prix est actuellement à 15 000, alors qu'en Ngozi, le prix de transport est à plus de 20 000. C'est la même situation étant ici, alors que sur les parkings des agences de transport, des annonces pour appeler les passagers font étant des prix officiels, qui est rejeté par les passagers, qui disent que les annonces des prix ne sont pas conformes au paiement fait. Et du côté des commerçants, ils regrettent que le nombre de véhicules qui approvisionnaient, bien sûr, ce marché de Cotebou à marchandises à partir de l'intérieur du pays ont sensiblement diminué. Et celui qui ose fournir les marchandises, le fait à un prix exorbitant. Et selon ces commerçants, ils doivent accepter la situation pour qu'ils parviennent à faire vivre leur famille. Et l'autre chose qu'on signale, c'est que les transporteurs qui tentent de chercher de carburant, ils se rendent soit dans les pays limitrophes par le versement des fonds de vin aux agents de sécurité qui sont affectés au niveau des frontières de ces pays. Merci Placide Niyomungere pour tous ces détails. Le problème de déplacement s'observe également pendant la soirée. Affirmation faite par certains habitants de la capitale Bujumbura, rencontrés par une équipe de la radio-télévision Isanganiro au parking des bus dans la soirée de ce mercredi. Ils ont indiqué que pour entrer, ils sont obligés de prendre un taxi en covoiturage à raison de 3 000 ou 5 000 francs burundais chacun pour un trajet qu'ils avaient l'habitude de payer 650 000 francs burundais. Sheila Irambona les a rencontrés. Reportage. Nous sommes au parking des bus qui font le transport vers le sud de la capitale de Bujumbura et il est 20h30, chose inhabituelle pour les deux côtés du parking se trouvant aux alentours du marché central. Ces deux parties du parking sont remplies de taxis. Les bus viennent à compte-gouttes à cette heure-ci. Les rabatteurs appellent les gens pour remplir les places dans ces taxis, mais ces derniers hésitent malgré les heures avancées. Interrogés, ces derniers se disent être à bout, payer entre 3 000 et 5 000 francs par jour pour un trajet qu'ils avaient l'habitude de payer 650 000 francs n'est pas vraiment facile pour eux, témoigne-t-il. Je me débrouille pour vivre et j'avais l'habitude de payer 650 francs le trajet. Maintenant, je paye 4 000. C'est vraiment pas facile. Je viens de quitter le boulot à cette heure-ci. C'est vraiment pas facile pour nous d'arriver à la maison. Il n'y a rien d'avantageux dans cette histoire. Maintenant, nous nous déplaçons par taxi et on paie ces derniers entre 4 000 et 5 000 francs le trajet. Même ceux qui possèdent leur propre véhicule nous demandent de payer. Mon salaire s'épuise uniquement dans le transport. On ne peut même pas se permettre d'acheter à manger. Comment est-ce que je rentrerai si je le faisais? Ce qui s'est remarqué, c'est que même à 21h, lorsque nous étions sur place, des gens se trouvaient sur le parking des bus menant vers Gatumba avec toujours l'espoir de rentrer. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution à ce problème de carburant. Qu'ils permettent à ceux qui importent le carburant de le faire afin qu'on puisse se déplacer facilement. Ce problème impacte beaucoup sur notre quotidien. Tout est cher. Je demande au gouvernement de nous aider pour que nous puissions avoir du carburant afin que les bus soient disponibles. Hors micro, certains conducteurs de taxi ont également demandé que le gouvernement trouve une piste de solution à ce problème. Eux aussi sont touchés car, disent-ils, pour arriver à vaquer à leurs occupations, ils sont obligés d'acheter leur carburant hors de nos frontières et cela leur coûte très cher. Sheila Irambona, cap maintenant sur Gitega où nous retrouvons notre correspondant Gérard Nibigira qui nous rapporte que depuis presque une semaine, la capitale politique Gitega n'a aucune goutte d'essence ni de mazout sur les 18 stations-service qu'elle compte, ce qui a occasionné la hausse du ticket de transport et certains chauffeurs disent qu'ils s'approvisionnent en Tanzanie à plus de 6000 francs burundais le litre d'essence, n'est-ce pas Gérard? La reprise de la pénurie de carburant de type mazout et de type essence fait parler d'elle depuis plus d'un mois en province de Gitega. Et s'il advient qu'il soit disponible, ce ne sont que deux ou trois stations-service qui en ont sur 18 que compte la province de Gitega. La suite de cela est donc de longues files de véhicules et motocyclettes et le carburant qui se termine sans que tout le monde soit servi. Par exemple, lundi de cette semaine, seules trois stations ont eu de l'essence qui n'a duré que le temps de l'arroser et depuis ce jour. Aucune goutte de carburant dans toute la province de Gitega. Les conséquences s'observent alors sur les tickets de transport qui ont passé du simple au double, voire plus. Par exemple, le ticket Gitega-Bujumbura, c'est entre 20 000 francs et 30 000 francs dans la voiture taxi Probox au lieu de 15 000 francs d'avant. Et dans le minibus IAS, c'est 20 000 francs au lieu de 10 000 francs d'avant. Gitega-Ngozi, c'est 20 000 francs au lieu de 10 000 francs d'avant. Et Gitega-Muyinga, c'est entre 20 000 francs et 25 000 francs contre 10 000 francs à 15 000 francs bout d'avant. Et les chauffeurs des camions qui transportent les marchandises disent qu'ils ont revu à la hausse le coût de transport en fonction du trajet à parcourir. Même chose pour les bennes qui transportent les matériaux de construction comme le moelleux et le sable qui ont ajouté entre 20 000 francs et 50 000 francs bout par benne. Et les motards, certains parmi eux ont doublé leur tarif tandis que d'autres ont fait une augmentation de 50% de leurs anciens tarifs. À la question de savoir où les chauffeurs de ces véhicules et motocyclettes s'approvisionnent en carburant, la réponse est qu'ils se rendent en Tanzanie à un prix de 3360 shillings tanzaniens par litre d'essence, soit plus de 6000 francs bout. La population et les propriétaires des véhicules et motocyclettes confondus demandent alors aux personnes compétentes de tout faire pour que le carburant soit disponible et en quantité suffisante. Gérard Nibigira en direct depuis la capitale politique Gitega. Retour au centre-ville de Bujumbura où le transport vers les quartiers du nord et sud de la capitale économique est pour le moment relativement facile. Jean de Dieu, il a causé. Décris-nous la situation. Oui, Jean Bosco, je suis pour le moment aux alentours du parking centre-ville de bus qui assure le transport vers le nord de la capitale économique Bujumbura. Et pour le moment, les bus sont disponibles et pas de passagers qui font la queue en attente de bus, sauf pour la ligne Mutakura et la ligne Tarama, où ils commencent à faire, à s'y observer des files d'attente qui commencent à s'installer. Et les conducteurs qui se sont entretenus avec nous indiquent qu'ils ont réussi du carburant hier. Cependant, ceux qui utilisent le gazoil déplorent qu'ils venaient de passer plus de 4 jours aux stations pour l'approvisionnement en carburant. Jean de Dieu, quel est le principal problème qu'évoquent les transporteurs en ce moment? Oui, Jean Bosco, le grand problème qu'ils soulèvent et qu'ils déplorent en outre est que certaines stations ne leur autorisent pas de faire le plein, raison pour laquelle ils expliquent qu'ils sont inquiets sur la poursuite de leur travail et 50 litres sont autorisés pour les bus et quater. Alors que le plein est fixé à 100 litres, entre 30 et 40 litres pour le bus IAS, au moment où le plein s'effectue à 75 litres, ont-ils précisé. Ici, ils souhaiteraient le plein une fois qu'ils sont servis. Et les passagers comme transporteur Jean Bosco plaide pour la disponibilité du carburant. Jean de Dieu, il a causé en direct des parkings du centre-ville de Bujumbura. Cap maintenant sur le sud du pays. Et là, nous retrouvons Jean-Pierre, il a causé à Rumonge. Là-bas, les activités de pêche et de production de l'huile de palme sont perturbées suite à la pénurie de carburant. Et ceux qui vivent de ces activités disent mener une vie difficile et voudraient que ce problème trouve solution naturellement. À l'une des mini-huileries implantées près de la rivière Dama au nord de la ville de Rumonge, nous y arrivons à 13h. Pas de bruit de machine, que ce soit des machines à mazout utilisées dans la production de l'huile de palme, que ce soit les motopompes à essence. Désiré, ouvrier à cette mini-huilerie affectée à ces machines, informe que les activités sont au point mort suite à la pénurie du carburant. À l'entrée de cette mini-huilerie, les femmes habituellement nombreuses à séparer les noix de palme avec d'autres résidus et les utiliser dans la production de l'huile de noix de palme pour les savonneries et du tourteau pour le bétail sont quasi absentes. Minani Vatuma, l'une des trois femmes présentes sur les lieux lors de notre passage, dit être dans l'incapacité de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille suite à cette pénurie du carburant. Mais les sons de cloche chez les pêcheurs et propriétaires de bateaux de pêche à la plage de pêche de Rumonge qui disent enregistrer d'énormes pertes suite à cette pénurie du carburant. Ceux-là qui se sont exprimés voudraient que cette pénurie devenue répétitive trouve enfin une solution définitive. Ce mercredi, une seule station-service de cette station-service fonctionnelle dans la ville de Rumonge distribuait uniquement de l'essence. Une seule station ne pouvant pas couvrir les besoins en essence des habitants de Rumonge, selon certains acheteurs de ce produit interrogé. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et non, Ira est causé comme je le disais. Tu voudras bien m'excuser de ce lapsus linguae. En bref, pour boucler ce tour de nos envoyés spéciaux et correspondants, la pénurie de carburant qui perdure en province Ngozi a impacté les prix de transport. Et pour aller dans d'autres provinces, le prix a augmenté, passant de 5 000 à 15 000 francs burundais, voire plus. Sur le marché noir, ce produit se vend à 20 000 francs burundais la bouteille en plastique d'un litre et demi. Des sanctions sévères sont infligées aux spéculateurs, mais son commerce persiste. On marque une courte pause et c'est pour entendre ce qu'en disent les politiques et les économistes. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Nous parlons du problème de la pénurie de carburant. Pour y trouver une solution, le gouvernement devrait construire plusieurs stocks stratégiques sur lesquels il se rabattrait en cas de carence ou de retard de livraison, d'après Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianengenda Koumana. Au niveau du parti UPRONA, malheureusement, ce que je peux dire aujourd'hui, les Burundais sont dans la désolation totale. Vous savez que le carburant est le moteur de la vie économique du pays. Vous savez, sans carburant, il y a la hausse des prix de tous les biens et services. Il n'y a pas de déplacement et toute la vie du pays est bloqué. Est-ce que cette silence des autorités ne peut pas exacerber la situation? Bien sûr, une population sans information, c'est le moment où on peut même amener des rumeurs et cela, ça peut même provoquer de l'insécurité au niveau du pays. Alors, c'est la raison pour laquelle on nous demande que le ministre qui sont en charge du commerce et des mines, qu'ils sortent du silence pour informer la population burundaise. Et quoi faire pour trouver une solution durable à cette situation de la pénurie de carburant qui devient répétitive? Il faut revoir la façon dont le secteur du carburant est organisé. Ce que nous avons constaté, il y a monopole au niveau du carburant. Quand tu as un problème avec ces gens qui nous donnent du carburant, la vie du pays doit être totalement paralysée. Il faut qu'effectivement ce problème de monopole du carburant soit résolu totalement au Burundi. Et autre chose, il faut qu'il y ait un stock stratégique. Sans stock stratégique, on aura toujours ce genre de problème. Pourquoi ? Parce que quand il y a ce genre de problème technique, on doit toujours tomber dans de tels problèmes. Le problème est de savoir effectivement que s'il y a un problème encore de devises, le Burundi doit tout faire. C'est le pays, c'est le gouvernement. Il y a des pays pourvoyeurs des devises qu'il faut être en contact parce que du carburant est partout dans le monde, mais il faut que le gouvernement cherche des devises. Parce que sensibiliser les Burundis d'aller cultiver, d'aller de produire aujourd'hui afin d'avoir des devises, on ne peut pas attendre tout ce genre de temps. Mais plutôt, c'est que le gouvernement doit se mettre au devant et chercher des moyens possibles afin que du carburant nécessaire au Burundi soit une réalité. Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, et de l'avis de Francis Rohero, acteur politique s'intéressant à l'économie du pays. Le Burundi est aujourd'hui appelé à renforcer la coopération avec ses pays partenaires. Comment des moyens d'avoir des devises en vue de faire face à la pénurie de carburant. Il trouve que le pays a également besoin de contracter des dettes à injecter dans les secteurs de croissance économique. On l'écoute. J'adore quand le président le dit souvent qu'il n'y a pas de dollars, il n'y a pas d'investisseurs. Et les Burundais croient que c'est du jour au lendemain qu'ils peuvent avoir des résultats par rapport à tout cela. Le carburant, c'est un denrée qu'on ne produit pas chez nous, qu'on doit acheter à l'étranger. Et pour l'acheter, il faut des devises. Et si on n'a pas ces devises, il faut qu'on comprenne qu'on ne pourra pas l'avoir. Ainsi, pour avoir des devises, il faut investir dans des secteurs producteurs. Le Burundi a augmenté son budget depuis plus de 4 ans. On a augmenté le budget jusqu'à hauteur de 65%. Et l'augmentation dans les secteurs producteurs est restée le même au moment où les secteurs de fonctionnement ont doublé, des fois triplé leur assiette. Est-ce que vous aurez un mot à dire par rapport aux stratégies du gouvernement face à cette situation? Cette crise ne vient pas de commencer aujourd'hui. Cette crise a commencé depuis des années quand on a commencé à vivre dans l'opulence sans pouvoir investir. Mais qu'est-ce que vous recommandez alors pour que le pays sorte de cette situation? Sorti de cette situation, il y aurait peut-être plusieurs façons pour acheter peut-être une béquille pour pouvoir boiter. C'est peut-être faciliter les relations avec les pays qui peuvent nous aider en nous donnant aujourd'hui quelques devises, s'endetter encore s'il le faut, ce qui n'est pas nécessairement bien, mais pour sortir juste de cette crise. Mais pour en sortir définitivement, le Burundi doit accepter d'investir. Et ce n'est que ça qui pourra sauver ce pays. Par exemple, nous sommes entourés par des pays qui utilisent le dollar facilement, comme le Congo. Mais vous voyez que on leur interdit même de venir acheter chez nous. Quelle est la fluidité du passage entre le Congo et le Burundi? Qu'est-ce que nous offrons au Congo pour que les dollars viennent ici au Burundi? Qu'est-ce que nous pouvons exporter vers ce pays? On ne le voit pas. Vous dites s'endetter, mais aussi investir. Investir dans quel domaine? Je l'ai dit, dans des secteurs producteurs. Quelle est la part aujourd'hui de l'agriculture dans les activités du gouvernement burundais? Il y a environ 20 ans, l'agriculture prenait un budget d'environ un cinquième de notre budget. Aujourd'hui, il prend quel secteur? Il prend quelle assiette? Quand je dis qu'il faut s'endetter, vous m'avez demandé, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une solution intermédiaire? Oui, une solution intermédiaire, c'est celle-là. Il faut aller vers des bailleurs. Il faut accepter de fléchir, de leur dire qu'on a besoin d'eux. C'était Francis Rohero. Il est acteur politique s'intéressant à l'économie du pays. Il répondait aux questions d'Alain Désiré Boukeyeneza. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les marginalisations économiques demande au gouvernement de communiquer sur cette situation de pénurie des produits pétroliers. Gabriel Rufili, président de l'Olucom, trouve que si la question des devises n'est pas réglée dans l'urgence, le risque est de mettre en danger l'économie du pays. Il demande aussi que le contenu du rapport d'enquête d'une commission récemment mise en place pour statuer sur les importations du carburant soit portée au public. Suivez-le. Ce problème des produits pétroliers est devenu un grand problème au Burundi. D'abord, le gouvernement, à travers ses services, doit informer les Burundais ce qui se passe parce qu'il n'est pas normal qu'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois peuvent se passer sans que l'autorité publique nous dise ce qui se passe. Ce n'est pas possible parce que le gouvernement a son devoir constitutionnel d'informer l'opinion publique ce qui se passe. Vous savez, la cause principale de cette pénurie de produits pétroliers, c'est en premier lieu un manque criant de devises. Il est important que le gouvernement organise d'urgence un forum national qui va étudier, analyser, informer des experts, qui va proposer des solutions à cette situation. Troisième chose, c'est la lutte contre les spéculations. Nous avons entendu que le gouvernement a mis en place une commission qui a enquêté sur cette situation des importations. C'est une bonne chose, mais nous voulons savoir les résultats. Comme cette situation est en train de causer beaucoup de problèmes, il est important que peu de devises que nous avons puissent être gérées rationnellement. C'est pour cette raison qu'il est urgent vraiment de chercher une solution durable dans le meilleur délai. Gabriel Roufsiri, voilà ce qu'en pensent les politiques et les économistes. Et ce problème de pénurie de carburant n'est pas récent. Les prix des produits pétroliers n'ont cessé d'augmenter depuis 2010 dans des proportions acceptables aux yeux du consommateur. Mais c'est en effet dès 2021 que le prix de l'essence à la pompe a presque doublé, passant de 2400 francs le litre jusqu'à 4550 francs le litre en octobre 2023, bien qu'il ait été légèrement revu à la baisse en novembre dernier. Mireille Kanyang revient sur ces fluctuations des prix comparées à certains pays de la communauté est-africaine. La hausse du prix des produits pétroliers au Burundi a chaque fois été guidée, selon les autorités, par la hausse du prix du baril sur le marché international. Nous basons sur des données de la communauté des blogueurs Yaga. En 2010, le prix d'un litre d'essence était de 1800 francs burundais pour passer à 2050, 2150 et 2050 encore les trois années qui ont suivi. Ce prix de l'essence a encore été revu à la hausse, passant de 2050 à 2270. En 2014, de 2015 à 2020, le prix du litre d'essence a été respectivement de 2220, de 2000, de 2100, de 2250 et de 2400. Depuis janvier 2022, ce prix est passé de 2400 à 2700 francs le litre. Ce prix des produits pétroliers, notamment l'essence, a alors connu une montée exponentielle. Il est passé de 2700 à 3250 francs le litre en avril de cette année, puis revu à la hausse en juillet où il était de 3985 francs. Le 9 octobre de cette année, le prix du litre d'essence a été fixé à 4550 francs alors qu'il coûtait 4450 francs le litre. Le 6 novembre, le gouvernement burundais a revu à la baisse les prix des produits pétroliers. Ainsi, le prix d'un litre d'essence a été diminué de 200 francs. Avec ces fluctuations des prix, en 2010, un dollar américain s'échangeait contre 1231 francs burundais et cette année, 2023, le prix de change officiel du dollar est de 2839,7 francs burundais. Dans quelques pays de la communauté est-africaine au Kenya, la dernière hausse, selon l'agence Ecofin, date de septembre de cette année, où le prix d'un litre a franchi les 200 shillings kenyans. Une fois dans l'histoire dans ce pays, selon toujours cette agence. Selon encore cette agence, l'autorité rwandaise de régulation des services publics a augmenté le prix des carburants en 2022, une augmentation de 8,2%. Mireille Kanyang, et le manque de devises et les lourdeurs dans les procédures d'importation justifient la pénurie des produits pétroliers au Burundi. C'est la réponse donnée par la ministre en charge du commerce, Marie-Chantal Ndjimbere, lors des questions orales des sénateurs ce mercredi. Suivez-la dans cette traduction de Marie-Claire Kazeneza. Le manque de carburant dans notre pays est dû au manque de devises. S'il y avait en suffisance ces devises, on devrait acheter le carburant qui pourrait être utilisé pour une période d'une année ou six mois et acheter la quantité qui pourrait être conservée dans les stocks stratégiques. Face à tout cela, le manque de ces devises ne nous permet pas d'acheter la quantité du carburant voulu dans notre pays qui peut être utilisé comme on le souhaite. Autre chose, on peut vous dire qu'il y a des difficultés dans les procédures d'approvisionnement qui demandent d'être vigilants s'agissant d'importer les marchandises et de faire leurs commandes. On doit tout faire pour que ces procédures ne durent pas. La logistique pour faire arriver le carburant au Burundi, s'il y a des problèmes dans les procédures, cela perturbe l'approvisionnement du carburant ici dans notre pays. Le carburant est importé, mais en quantité insuffisante. suffisante, ce qui explique que nous sommes dans l'incapacité de satisfaire la demande. Dans cette petite quantité qu'on reçoit, c'est là que vous voyez qu'il y a certains qui en reçoivent et d'autres n'ont pas servi, car toutes les stations du Burundi ne peuvent pas être servies. C'est pourquoi il y a certains qui se déplacent facilement et d'autres qui sont servis en carburant sur les stations qui en possèdent. C'était la ministre en charge du commerce, Marie-Chantal Nijimbele. Je l'avais annoncé au début de ce journal, la rédaction Isanganiro a eu son mot à dire sur cette pénurie persistante du carburant. Et ce commentaire de la rédaction est lu par Léonce Vitalio. Le Burundi vit depuis au moins 3 ans une situation répétitive de pénurie de carburant. Mais cette situation atteint un point qui semble culminant. En cette fin d'année 2023, au niveau de la capitale économique Bujumbura, l'on assiste à des routes presque vides de véhicules, le jour comme la nuit. C'est la même chose du côté des parkings à la place dite ex-marché central et ailleurs. Des passagers font la queue, sans espoir de trouver comment se rendre au travail ou rentrer à leur domicile. La plupart ont déjà adopté une solution contraignante, marcher. Un jargon est déjà né chez pas mal de citadins. Kuhate Lilege, pour dire simplement cette marche à la manière de la danse du reggae. Des véhicules s'amassent devant les stations-service qui sont déjà taries de produits pétroliers. Ils y passent des jours et des nuits avec des risques de rentrer bredouille. Au niveau du marché noir, un litre de carburant peut coûter 20 000 francs burundais contre moins de 5 000 officiels. Une bouteille dite Kinjou d'un litre et demi peut aller jusqu'à 30 000 francs burundais. C'est du jamais vu. Nous parlons de Bujumbura, mais la situation est similaire dans d'autres coins du pays. Des conséquences ne tardaient pas à se faire sentir. Des gens semblaient déjà habitués à faire la queue en attendant les bus de transport, mais aujourd'hui, le même cas s'observe quand vient le moment d'acheter le charbon de bois pour la cuisson. Ce n'est pas tout. Quand il faut se rendre au marché pour s'approvisionner en produits vivriers, le prix du kilo de haricots, du riz, de la farine, des pommes de terre, des patates douces, des bananes et autres, tout va crescendo du jour au lendemain. Un billet de 10 000 francs burundais perd sa valeur quand il faut nourrir une famille. Sur un autre plan, que dira un enseignant envers son élève en retard? Qu'en est-il entre employeur et employé pour une situation pareille? Et pour tout, cela ne sera pas sans impact négatif sur la production. La vision du gouvernement est que le Burundi sera un pays émergent en 2040, pays développé en 2060. La vision est une chose, y parvenir en est une autre. La situation semble perdurer, mais c'est presque le silence du côté institutionnel. Les Burundais ont en tout cas besoin d'un discours d'apaisement. Là, le plus tôt serait le mieux. Dirigeants et dirigés, nul n'ignore que le carburant est un produit moteur pour la vie de la société. Puissent les Burundais espérer que cette pénurie observée de carburant n'est pas une fatalité. Sinon, il ne serait pas aisé d'atteindre différentes visions que le pays s'est assignées. Merci Léonce Vitalio pour la lecture de ce commentaire de la rédaction. Karibuni wapenzi wasikilizaji wapenzi wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Bonesh FM. Nécrologie pour boucler ce journal. La presse au Burundi pleure la mort hier de notre consoeur Mwajuma Ndayishimiye que vous venez d'entendre. Elle était journaliste à la radio Bonesha FM. Elle est née au quartier Buyenzi, en commune Mukaza, c'est un mairie de Bujumbura. C'était en 1974. Elle a suivi ses études au lycée Nahangwa et à l'Institut commercial et administratif. En 2000, elle a embrassé la carrière de journaliste. Elle était animatrice des émissions en Swahili. Elle recevait en 2005 une attestation de participation au séminaire de formation en couverture médiatique des élections. Et en 2009, elle a participé à une formation en rapport avec le rapatriement et intégration des rapatriés. Paix à son âme. Et c'est par cette page nécrologique que nous bouclons ce journal. Je rappelle que la rédaction Isanganiro l'avait consacré au vécu quotidien des Burundais dans le contexte actuel de pénurie de carburant. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Albert Ndouayo pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Ndouimana a passé un très bon après-midi.